Chapitre 9e, la fête de Yulathorn, acte 1er. Miss Thorne s'était plus à penser qu'en invitant ses amis pour midi et en insistant pour qu'ils considérassent cette heure comme l'heure précise à laquelle elle désirait qu'ils arrivassent, elle les verrait, à 2 heures, confortablement installés dans les tentes. Pauvre femme! Combien il ignorait les progrès qu'avait fait la civilisation, tandis que les années s'amassaient sur sa tête. À midi, elle se trouva seule, dans toute la gloire d'une magnifique toilette neuve, chaussée néanmoins de fortes bottines et les épaules couvertes d'un beau châle bien chaud. Ainsi protégée contre l'humidité, elle se dirigea vers la partie du parc où étaient organisés les jeux et eut au moins la satisfaction de voir la jeunesse s'amuser. Elle dit un mot à Mrs. Greenacre et jeta un coup d'œil à la quintaine. 3 ou 4 jeunes fermiers la faisaient tourner, mais sans se soucier de jouer dans les règles. Aucun n'était à cheval. Miss Thorne regarda sa montre. Il n'était que 12h15, et il était convenu que Harry Greenacre ne commencerait pas avant la demi. Miss Thorne retourna au salon d'un pas rapide qui ne lui était pas habituel. Elle craignait que la comtesse n'arrivât et ne trouvât personne pour la recevoir. Sa hâte était inutile, personne n'était là. À 12h30, elle fit un tour dans la cuisine. À 1h15, elle fut rejointe par son frère. Justement alors eut lieu la première arrivée fashionable, Mrs. Clinton Tram fut annoncée. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire de l'annoncer. La voix de la bonne dame se faisait assez entendre. En traversant la cour, elle gourmandait le malheureux postillon qui l'avait amenée de Barchester. À ce moment, Miss Thorne ne put que se féliciter de l'inexactitude, plus fashionable encore, de ses autres hôtes. Il n'avait pas à être témoin de l'indignation bruyante de Mrs. Clinton Tram. Oh, Miss Thorne, voyez un peu, dit-elle aussitôt entrée dans le salon. Voyez ma robe Laure, la voilà abîmée sans remède. Je ne la porterais pas si je n'avais su que vous désiriez qu'on fît toilette aujourd'hui, et je ne l'ai mise qu'avec appréhension. Une étoffe qui m'a coûté 25 shillings le yard. Les chevaux de poste de Barchester avaient joué un mauvais tour à la bonne dame. Il s'était remis à marcher au moment où elle descendait de la voiture et avait failli la faire tomber sous les roues. Mrs. Clinton Tram avait vu de nombreux printemps. Aussi, quoiqu'elle ne se recommandât guère par ses qualités, Miss Thorne avait de l'amitié pour sa contemporaine. Elle envoya nettoyer la robe Laure et prêta à Mrs. Clinton Tram un des plus beaux châles de sa garde-robe. Arriva ensuite M. Arabin, qui fut immédiatement au courant de la mésaventure de Mrs. Clinton Tram et de son intention formelle de ne payer ni le maître de poste, ni le postillon. Puis on entendit un grand froufrou de robe. La porte s'ouvrit, et le domestique annonça d'une voix quelque peu hésitante « Mrs. Lookaloft, les Mrs. Lookaloft et M. Augustine Lookaloft. » Pauvre homme, je parle du valet de pied. Il savait à n'en pas douter que Mrs. Lookaloft n'était pas attendue au salon, qu'elle n'y serait pas la bienvenue. Mais il n'eut pas le courage de dire à une dame corpulente, décolletée, en manches courtes, en robe de satin à 8 shillings le yard, qu'elle s'était trompée d'endroit. Il n'avait pas osé dire aux jeunes demoiselles en souliers de bal, en gants longs, que leur place était dans la tente du parc. Ainsi, Mrs. Lookaloft emporta la position et s'établit dans la citadelle. Elle l'avait bien pensé à l'avance qu'une fois entrée, elle n'y serait peut-être pas tout à fait à son aise. Mais elle voulait pouvoir se vanter d'avoir été sur la pelouse avec le squire et Miss Thorne, avec une comtesse, un évêque et tout ce qu'il y avait de grands personnages dans le pays, tandis que Mrs. Greenacre et ses pareils se promenaient avec les garçons de charrue dans le parc. Mrs. Lookaloft entra donc triomphante dans le salon de Yulathorne. Mais ses enfants furent un peu déconfits de la réception qui leur fut faite. Miss Thorne n'était pas femme à faire affront à ses hôtes. Elle n'était pas femme non plus à fermer les yeux sur une semblable effronterie. « Oh, Mrs. Lookaloft, c'est vous, » dit-elle, « et ce sont là vos filles et votre fils. Nous sommes heureux de vous voir, mais je suis fâchée de vous voir décolletée. Nous devons tous passer l'après-midi en plein air. Puis-je vous prêter quelque chose ?»« Oh mon Dieu, non, je vous remercie. Mes filles et moi sommes habitués à être décolletées en plein air. »« Ah, vraiment ?» dit Miss Thorne en frissonnant. Mais Mrs. Lookaloft ne remarqua pas ce frisson. « Et où est Lookaloft ?» demanda le maître de la maison, s'avançant pour accueillir la femme de son fermier. Quels que fussent les ridicules de la femme, M. Thorne ne pouvait pas oublier que le mari payait très régulièrement son fermage. une affreuse migraine, monsieur Thorne, dit-elle. Il lui était impossible de remuer. Sans cela, vous pouvez être certain qu'il se serait trouvé ici un jour comme celui-ci. Mon Dieu, dit Miss Thorne, s'il est si malade, vous voudriez, j'en suis certaine, être auprès de lui. Pas du tout, dit Mrs. Lookaloft. Pas du tout, Miss Thorne. C'est labile, vous savez, et quand il est comme cela, il ne veut personne autour de lui. Dans le fait, M. Lookaloft, ayant plus de bon sens ou moins de courage que sa femme, n'avait pas voulu pénétrer en intrus dans le salon de Miss Thorne, et ne pouvant aller avec les plébéiens, tandis que sa femme était avec les patriciens, il avait pris le bon parti de rester à Rosebank. Bientôt Mrs. Lookaloft fut installée sur un canapé, les Mrs. Lookaloft sur des chaises, tandis que M. Augustine Lookaloft restait debout près de la porte. Et ils ne démarrèrent de là pour être installés tous les quatre ensemble au bout de la table de la salle à manger que quand le moment du déjeuner fut venu. Bientôt arrivèrent les Grantley, l'archidiacre, Mrs. Grantley, leurs deux filles, le docteur Gwynne et M. Harding. La fatalité voulut qu'il fût suivi de près par la voiture du docteur Stanhope. En regardant par la portière, Eleanor vit son beau-frère tendre la main aux dames pour les aider à descendre. Elle se rejeta en arrière, craignant d'être découverte. Le voyage lui avait été odieux. Les civilités de M. Slope avaient été plus mielleuses, plus onctueuses que jamais. Et quoique dans le fait il n'eût rien dit qui pût accuser ses intentions, elle avait pour la première fois soupçonné quelles elles étaient. Était-il donc vrai qu'elle s'était conduite de manière à justifier l'opinion qu'on avait de son attachement pour cet homme? Était-il possible, après tout, que l'archidiacre et M. Arabin eussent raison et qu'elle-même eut tort? Charlotte Stanhope aussi avait observé M. Slope, et elle en était venue à cette conclusion que son frère n'avait pas de temps à perdre s'il voulait conquérir la veuve. Elle regretta de n'avoir pas arrangé les choses de façon que Bertie arrivât à Eula Thorne avant eux. Le docteur Grantley ne vit pas sa sœur en compagnie de M. Slope, mais M. Arabin la vit. M. Arabin était descendu avec M. Thorne jusqu'à la porte d'entrée pour recevoir Mrs. Grantley, et il était resté dans la cour tandis que toute leur société la traversait. Eleanor se dissimula dans la voiture tant qu'elle put, mais elle était près de la portière, et quand M. Slope, une fois descendu, lui offrit la main, elle fut bien forcée de la prendre. M. Arabin vit sortir de la voiture un ecclésiastique qu'il reconnut tout d'abord pour être M. Slope, et cet ecclésiastique donnait la main à Mrs. Bold. Le cœur serré, M. Arabin rentra dans la maison. Eleanor n'eut pas de nouvelle humiliation à subir. Le docteur Stanhope lui donna le bras pour traverser la cour, et M. Slope dut consacrer ses attentions à Charlotte. Ils étaient à peine entrés dans la maison, et de la maison sur la pelouse, qu'avec un grand bruit de roues arriva l'équipage des Proudie. On vit bientôt que le nouvel arrivant n'était pas un personnage ordinaire. Un domestique murmura à l'oreille d'un autre que c'était l'évêque, et la nouvelle s'en répandit bientôt parmi les curieux, les valets et les cochers étrangers qui étaient dans la cour. On se pressa pour voir l'évêque et sa dame traverser la cour, et l'excellent homme vit avec plaisir quel respect on avait pour l'église dans la paroisse de Saint-Évold. Les invités arrivèrent alors en grand nombre. La pelouse et le salon commencèrent à se remplir. C'était un murmure de voix, un froufrou de satin et de mousseline. Miss Thorne était heureuse enfin. Sa pensée se porta de nouveau vers les jeux. Des cibles, des arcs et des flèches étaient préparées à l'extrémité de la pelouse, et l'on avait ménagé un espace suffisant pour que les amateurs de cet exercice puissent s'y livrer à l'aise. Miss Thorne réunit tout ce qu'elle put trouver de jeunes filles sachant bander un arc et les conduisit aux cibles. De ce nombre étaient les Mrs. Grantley, les Mrs. Proudie, les Mrs. Chadwick, les deux filles du gros chancelier. À elles se joignirent Frédéric et Augustus Chadwick, le John Knowl, de Knowl Park, Frank Foster, des Ormes, M. Willis Deeds, le brillant avoué de High Street, le révérend Mr. Green, le révérend Mr. Brown, le révérend Mr. White, qui tous trois se firent un devoir de suivre les pas des trois Mrs. Proudie. « Avez-vous jamais couru la quintaine, M. Foster ?» demanda Miss Thorne, accompagnant cette jeunesse à travers la pelouse. « La quintaine, » dit le jeune Foster, qui se considérait comme expert en tout ce qui concernait la pratique du cheval. « N'est-ce pas une espèce de barrière, Miss Thorne ?» Miss Thorne eut à expliquer en quoi consistait le noble jeu. et Frank Foster dut avouer qu'il n'avait jamais couru la quintaine. « Voulez-vous y venir avec moi ?» demanda Miss Thorne. « Comme vous voudrez. Je suppose que les demoiselles aussi peuvent aller. Parfaitement, si cela leur fait plaisir. Elles voudront voir vos prouesses, Monsieur Foster, si vous courez la quintaine à cheval. » Monsieur Foster abaissa les yeux sur un pantalon irréprochable qu'il avait reçu la veille de Londres. C'était, à ce qu'il pensait, le pantalon le mieux approprié à une fête champêtre, mais non à une course à cheval. De plus, il n'était pas encouragé, plus que ne l'avait été M. Thorne, par la pensée de la chute possible du sac de farine que M. Thorne lui avait décrit avec tant de complaisance et de précision. « Je ne me soucie pas de monter à cheval, M. Thorne. Je ne suis pas habillé pour cela. » M. Thorne soupira et ne dit plus rien. Laissant les archers à leurs exercices, elle retourna du côté de la maison. Mais en passant devant l'entrée du parc, elle pensa que par sa présence, elle encouragerait peut-être les fermiers à se livrer aux exercices virils auxquels ses hôtes plus distingués refusaient de prendre part. Elle se dirigea donc une fois de plus du côté de la quintaine. À sa vive satisfaction, elle y trouva Harry Greenacre à cheval, une perche à la main, entouré de camarades qui l'encourageaient à tenter l'épreuve. Elle s'arrêta à peu de distance et lui fit un signe de tête amical. « Commencerai-je, madame ?» dit Harry, maniant gauchement sa longue perche, tandis que son cheval, par ses mouvements inquiets, montrait qu'il n'était pas habitué à porter un cavalier ainsi armé. « Oui, oui, » dit Miss Thorne, se tenant debout, comme une reine de beauté sur une cuve retournée, apportée là par hasard de l'étable. « En avant donc !» dit Harry. Et touchant son cheval de l'éperon, il mit toute son habileté à tenir sa perche dans la direction voulue. Mais son habileté dans ce genre d'exercice laissait sans doute à désirer. En partant, il frappa sans le vouloir la tête de son cheval. L'animal fit un bond de côté et prit son galop en s'écartant de la quintaine. Harry était un bon cavalier, mais il n'était pas habitué à manier une cravache de 12 pieds. Il abaissa la main droite vers la bride, mais il abaissa aussi la perche, dont le bout touche à la terre et se mit dans les jambes de la bête. Monture et cavalier tombèrent à la fois. Le jeune Greenacre fut jeté à 6 pieds plus loin que la tête du cheval, et Miss Thorne faillit s'évanouir sur sa cuve. « Oh bon Dieu, il est tué !» cria une femme près de laquelle il était tombé. « Dieu ait pitié de lui, sa pauvre mère, sa pauvre mère !» dit une autre. « On ne devrait pas laisser jouer à des jeux si dangereux, » dit une vieille. « Certainement, il s'est cassé le cou, » dit une quatrième. Pauvre Miss Thorne, elle entendit tout cela, et pourtant elle ne s'évanouit pas tout à fait. Triste jusqu'à la mort, elle se fraya du mieux qu'elle put un chemin à travers la foule. Oh, sa mère, sa pauvre mère, pourra-t-elle jamais se pardonner à elle-même son imprudence? Enfin, elle put arriver près du jeune fermier. « S'est-il couronné? Dites-le-moi au nom du ciel, » dit Harry, se relevant lentement et se frottant l'épaule gauche avec la main droite. Miss Thorne vit bientôt qu'il ne s'était cassé ni le cou ni aucun membre, qu'il n'avait pas de blessure grave. Mais à partir de ce moment, elle n'engagea plus personne à courir la quintaine. Éléanor quitta le bras du docteur Stanhope aussitôt qu'elle put le faire poliment et se mit en quête de son père, qu'elle trouva sur la pelouse en compagnie de M. Arabin. Elle fut satisfaite de les trouver ensemble. Elle était impatiente de se justifier auprès de son père et n'aurait pas été fâchée non plus de faire savoir à M. Arabin qu'on l'avait accusé injustement. Arrivant derrière son père, elle passa son bras sous le sien et tendit la main au vicaire de Saint-Évold. « Comment êtes-vous venu ?» demanda M. Harding après les premiers compliments. « Les Stanhope m'ont amené, » dit-elle. « Leur voiture devait faire 2 fois le trajet, elle est repartie pour la signora. » À ce moment, son regard rencontra celui de M. Arabin, et elle vit que les yeux de celui-ci avaient une expression sévère. Elle comprit sur le champ l'accusation contenue dans ce regard. Il disait, aussi clairement qu'eût pu le faire la parole, « Oui, vous êtes venu avec les Stanhope, mais vous êtes venu avec eux pour pouvoir être dans la compagnie de M. Slope. » « Nous étions à 4, » continua-t-elle, s'adressant à son père, « le docteur, Charlotte Stanhope, moi et M. Slope. » Elle sentit, au moment où elle prononçait ce nom, le bras de son père trembler légèrement sous le sien. Au même instant, M. Arabin se détourna et les mains derrière le dos, s'éloigna lentement dans une des allées du jardin. « Papa, » dit-elle. Il m'était tout à fait impossible de ne pas venir dans la même voiture que M. Slope. J'avais promis aux Stanhope de venir avec eux, avant de savoir que M. Slope les accompagnerait. Quand je l'ai su, je ne pouvais me dégager, sans dire pourquoi, et cela aurait fait parler. Vous n'étiez pas à Barchester, vous le savez, et il me fallait bien venir avec quelqu'un. Et elle parlait avec tant de volubilité qu'elle fut hors d'haleine après avoir achevé sa justification. « Je ne vois pas pourquoi, ma chère, vous deviez désirer que les choses s'arrangeassent autrement. »« Oh si, papa, vous le savez. »« Vous savez tout ce qu'ils ont dit à Plumstead. Je suis sûr que vous le savez. »« Vous savez quelles choses injustes, ont dit l'archidiacre et M. Arabin. »« C'est un homme horrible, odieux, mais... »« Qui est un homme odieux, ma chère, M. Arabin ?»« Non, M. Slope. Vous savez bien que c'est de M. Slope que je veux parler. »« C'est l'homme le plus odieux que j'ai jamais rencontré. » Il était bien malheureux que je fusse forcé de venir dans la même voiture que lui, mais comment pouvais-je l'empêcher ? M. Harding sentit s'alléger le poids qui pesait sur son cœur. Ainsi, après tout, l'archidiacre avec toute sa sagesse, Mrs. Grantly avec tout son tact de femme, M. Arabin avec tout son talent, s'étaient trompés tous les trois. Son Eleanor, sa fille de prédilection, ne devait pas être la femme de M. Slope. Il avait été sur le point de dire à Eleanor qu'il consentait à son mariage tant il était convaincu qu'il aurait lieu. Et maintenant il apprenait que ce prétendant aimé qu'on imputait à sa fille était aussi odieux à celle-ci qu'à tous les membres de la famille. Mais M. Harding n'était pas assez homme du monde pour cacher la bévue qu'il avait faite. Sa surprise, sa satisfaction furent si grandes qu'il ne put s'empêcher de montrer quelles avaient été ses craintes. « Ma chérie, de quelle joie vous me comblez, quel poids vous ôtez de mon cœur. »« Mais sûrement vous, papa, vous n'avez pu croire. »« Je ne savais que croire, mon enfant. L'archidiacre me disait... »« L'archidiacre ?» dit Eleanor, le visage enflammé. « Un homme comme l'archidiacre pourrait mieux employer son temps et son talent qu'à calomnier sa belle-sœur et à faire naître de la froideur entre un père et sa fille. »« Il était loin de le vouloir, Eleanor. Que voulait-il donc alors ?» Pourquoi se mêlait-il de mes affaires et vous disait-il des faussetés sur mon compte? N'y pensez plus, mon enfant, n'y pensez plus. Nous aurons maintenant à quoi nous en tenir. Oh, papa, comment avez-vous pu penser cela? Comment avez-vous pu me soupçonner? Je ne sais ce que vous entendez par le mot soupçon, Eleanor. Il n'y aurait rien eu de déshonorant, rien de blâmable dans ce mariage, rien qui eût justifié mon opposition comme votre père. Et M. Harding aurait continué à se défendre en établissant qu'après tout, M. Slope n'était pas un méchant homme et que c'était un second mari très convenable pour une jeune veuve sans une interruption énergique d'Eleanor. « Ce serait déshonorant » s'écriait-elle. « Ce serait abominable. Si je faisais cela, personne ne me parlerait plus. Fi !» Il frissonna en pensant au flambeau nuptial que ses amis avaient été si empressés à allumer pour elle. « Cela ne m'étonne pas du docteur Grantly. » « Ça ne m'étonne pas de Susan, mais de vous, papa. Cela m'étonne et m'attriste. Comment, vous, avez-vous pu le croire ?» Et la pauvre Eleanor ne put arrêter ses larmes plus longtemps et dut se couvrir le visage de son mouchoir de poche. Mais le lieu n'était pas opportun pour une scène de ce genre. Le père et la fille se promenaient parmi les plantations d'arbrisseaux au milieu de beaucoup d'autres personnes. Le pauvre M. Harding balbutia une excuse de son mieux. Eleanor, avec effort, arrêta ses larmes et remit son mouchoir dans sa poche. Il ne lui était pas difficile de pardonner à son père, et elle ne pouvait refuser de s'unir à lui dans le retour de gaieté que provoquait l'aveu qu'elle venait de faire. C'était un poids si lourd enlevé de son cœur que de penser qu'il n'aurait pas à accueillir M. Slope comme son gendre. C'était un si grand soulagement de voir que les sentiments de sa fille et les siens étaient encore, comme ils l'avaient toujours été, à l'unisson. Ce misérable M. Slope l'avait rendu si malheureux depuis 6 semaines. Il était si indifférent à la perte de l'hospice, si reconnaissant d'avoir recouvré sa fille, que celle-ci, malgré sa juste irritation, ne put conserver contre lui l'ombre d'un ressentiment. « Cher papa, » dit-elle, serrant étroitement son bras, « ne me soupçonnez jamais plus. Promettez-moi que vous ne le ferez jamais, quoi que je fasse. » Vous pouvez être assuré que je vous le dirai d'abord et que je vous consulterai. » M. Harding fit la promesse qui lui était demandée et avoua son tort. Puis, tous deux retournèrent ensemble vers les fenêtres du salon. Qu'avait voulu dire Eleanor en déclarant que quoi qu'elle dût faire, elle le dirait d'abord à son père ? Que pensait-elle donc à faire ? Ainsi se termina le premier acte du mélodrame qu'Éléanor était appelée à jouer ce jour-là à Iolaforn.